guider lors des âmes perdues. Ingris militari pour vaincre l'amertume. Notre bonheur reviendra. Nos âmes vaincront le mal. Yeah. Yeah, yeah, écoute ça. Je ne vis plus, mon cœur pleure, la tristesse se glisse dans mes mains. Je ne tiens plus à rien, mon cœur a besoin de soins. Personne n'arrivera jamais à me faire remonter la pente de l'enfer. Militari, on vit dans un monde rempli de haine, rempli de peine. Nos cœurs saignent et les gens se plaignent. La violence prend place en nous sans remords. Et c'est pour ça que dans le monde, il y a tant de morts. J'ai la plume qui me brûle, car la violence perdure. Je crois que mon âme se meurt, car quand j'écris ce texte, elle pleure. Faut que je trouve un moyen de m'en sortir, faut que mon cœur ait la chance de s'épanouir. Militari, Ingris, l'or des âmes perdues. Yeah. L'or des âmes perdues. Faut que nos cœurs revivent, qu'ils s'unissent pour survivre. On a des âmes en or, mais elles sont perdues dans les remords. On nous appelle l'or des âmes perdues, car en nous les lyriques perdurent. Malgré la peine et la haine, nos cœurs saignent, mais jamais ne se plaignent. Ingris, ta plume brûle, car ton cœur s'enflamme. Il prend en feu, car tu souffres, car en toi le mal s'installe. Yeah, faut qu'on persiste, qu'on résiste à la crise. Car sinon, si on abandonne, nos âmes seront prises. Faut qu'on préserve notre joie, car sans elle, seul le malheur on verra. J'ai le cœur qui pleure, car mes lyriques chantent le malheur. Yeah. L'or des âmes perdues. Yeah, yeah. Ingris. Mais les rix partent en guerre, combattre le roi des enfers. Et les rix à toi, chante le malheur, car ton cœur pleure. Et si ton cœur pleure, c'est parce que ton âme est perdue. Dans une vie où la paix ne vit pas, mais où la vie est dure. Nos âmes sont perdues d'après les stats. Mais t'inquiète, jusqu'au bout on se battra. Même si je dois crever au combat, j'essaierai d'attraper la paix, même à bout de bras. Ma force me quitte, ma haine me guide. Mais merde, j'aimerais juste pouvoir vivre. Militari, aide-moi à trouver le bon chemin. De la paix, de ton aide, j'ai besoin. S'il te plaît, dis-moi ce que je dois faire pour enfin sortir de l'enfer. Yeah, yeah. Militari chic. Yeah, l'or des âmes perdues. Yeah. Ingris, écoute-moi, faut qu'on sauve toutes ces âmes. Elles sont perdues, mais l'espoir est en nous. Battons-nous, retrouvons ces âmes pour les remplir d'amour. Il te faut suivre ton instinct. Peu importe où il te mène, c'est le bon chemin. Ingris, militari, ensemble contre la haine. Quoi qu'il se passe, on ressuscitera la paix. Par tous les moyens, dans le rap on percera. Car trop belles sont nos faces. La misère dépasse tous les hommes du monde. Les seuls à savoir comment la battre sont dans l'ombre. Militari, chante la paix pour qu'enfin la haine saigne. Car sans haine dans le monde, le seul règne sera celui de la paix. Quoi qu'il se passe, si on se bat, on vaincra même sans armes. Il nous suffit juste de retrouver la paix de nos âmes. Yeah, Ingris Militari. 7-3-9-1. L'or des âmes perdues. Yeah, yeah. L'or des âmes yeah. Perdues. Yeah, l'or des âmes perdues. L'or des âmes perdues. Yeah, yeah. Ingris Militari. Militari. Ingris Militari. Ingris. Ingris Militari. L'or des âmes perdues.